بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur Ibn Qudamah al-Maqdisi rahmatullah alayhi dit bab al-tayammum. La porte bab, on la connaît. Le mot bab, on le connaît, on en connaît le sens dans la langue arabe ainsi que dans le sens législatif. At-tayammum. At-tayammum. Dans la langue arabe, c'est al-qasd, la visée, et eux. Wa minhu qawluhu ta'ala wa la tayammamu al-khabitha minhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ne visez pas la mauvaise partie de vos biens. Il parle des gens qui sortent la zakat, et qui lorsqu'ils sortent leur zakat, sortent la plus mauvaise partie des biens qu'ils possèdent. Allah a dit, wa la tayammamu, ne visez pas al-khabitha minhu, donc la mauvaise partie de vos biens. Donc le tayammum dans la langue arabe c'est al-qasd, la visée. Qasdu salat, viser la salat. Qasdu Mekka, viser Mekka. Donc c'est la visée de manière générale. Donc al-tayammum dans la langue arabe c'est al-qasd, la visée. Dans le shara, dans le sens législatif. Huwa masḥu al-wajhi wal-yadayni li-sa'idin 'ala wajhin makhsūṣin min shakhṣin makhsūṣ. Donc c'est l'essuyage du visage et des deux mains, dans le sens législatif, l'essuyage du visage et des deux mains. Donc à l'aide d'un sa'id, on va définir ensuite qu'est-ce que le sa'id, d'une manière donc spécifique, min sharsin marsous, d'une personne spécifique. Qui est cette personne spécifique? C'est celle qui n'a pas d'eau, de manière réelle, parce que l'eau est absente, ou bien de manière notionnelle, parce qu'elle ne peut pas utiliser l'eau en raison de maladies, de blessures ou autres, comme on va le voir dans le cours, Inch'Allah. Donc on répète, dans la langue arabe, al-tayammum, c'est le qasd de la visée, et dans le sens législatif, c'est l'essuyage du visage et des deux mains à l'aide du sa'id. On va définir plus tard qu'est-ce que as-sa'id, d'une manière spécifique, d'une personne spécifique. Il dit ensuite l'auteur, rahmatullahi alayhi wa sifatuh. Donc il va nous donner la description du tayammum. Auparavant, quelques informations. Donc, la preuve de la législation du tayammum. Quelle est la preuve que le tayammum est légiféré? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans Surat al-Nisa, verset 43, ainsi que Surat al-Ma'ida, verset 6. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. Donc, dans le long verset que l'on avait vu, le verset des ablutions, يا أيها الذين آمنوا أو vous qui avez cru إذا قمتم إلى الصلاة, lorsque vous vous levez pour la prière, farsilu wujuhakum, lavez-vous le visage, etc. Ensuite qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda, si vous êtes malade, أو على safarin, ou bien de voyage, ou bien que l'un d'entre vous revient donc du ra'it, c'est-à-dire il a fait ses besoins, أو لامستم النساء, ou bien que vous avez eu un rapport avec vos femmes, فلم تجدوا ماء, et que vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu, faites le tayammum. Sa'idan tayyiba, avec un sa'id tayyib, c'est-à-dire pur, comme on va le voir. Famsahu biwujuhikum, essuyez vos visages, wa aydikum, et vos mains. Donc, Surat An-Nisa, verset 43, Surat Al-Ma'ida, verset 6. Donc, ça, c'est la preuve. Dans le Coran, dans la Sunna, les versets, les hadiths. Dans la Sunna, les hadiths sont nombreux, on va les voir, Inch'Allah. Wal ijma'a, il y a donc consensus sur le fait que at-tayammum est légiféré. Le tayammum fait partie des spécificités de cette communauté. Les communautés précédentes n'avaient pas de tayammum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith, j'ai été favorisé ou bien privilégié sur les autres prophètes par six choses, et parmi ces six choses-là, il a cité wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, et la terre a été faite pour moi une mosquée ainsi qu'une source de purification. Et le tayammum, il est légiféré pour les deux hadith. Le grand hadith, donc la janaba, et le petit hadith que l'on avait défini auparavant. Donc quelle est la pertinence d'avoir cité le tayammum, ce chapitre-là, après donc le chapitre des ablutions ainsi que du roussel? Parce que c'est un remplaçant. Comme c'est un remplaçant des petites ablutions entre guillemets, donc al-wudu, ainsi que des grandes ablutions entre guillemets, al-rusl, il a été pertinent de le citer après ces deux chapitres-là. Et le verset de du tayammum, il a une cause. Donc un sebeb nuzul, une cause pour laquelle il a été descendu, qui a été cité dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, rahmatullahi alayhima, que l'on va citer. An Aisha radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qalat. Donc Aisha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi. Donc nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Donc pendant la bataille de Bani al-Mustaliq, bataille où il y a eu donc Hadithatul Ifk, l'événement de Al-Ifk, lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a accusé Aisha radiyallahu anha de son accusation infondée, qui est connue. Donc elle dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc en voyage. Hatta idha kunna bil bayda'i aw bi dhati al jaysh in qata'a 'iqdun li, jusqu'à ce que nous arrivâmes à Al-Bayda ou bien à dhati al jaysh, qui sont donc deux endroits aux alentours de la Mecque. In qata'a 'iqdun li, un collier que j'avais donc s'est cassé. Fa aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'ala iltimasi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à le chercher, à chercher le collier de son épouse Aisha radiyallahu anha. Wa aqama an-nas ma'ahu, et les gens aussi se sont mis à chercher le collier de Aisha radiyallahu anha. Donc si comme on dit certains savants, si cette histoire a eu lieu effectivement dans la bataille de Bani al-Mustaliq, ça veut dire qu'elle a perdu deux fois son collier Aisha radiyallahu anha, car dans hadithatul ifk, dans l'histoire donc de la fausse accusation qu'a fait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, comme quoi notre mère Aisha radiyallahu anha aurait fait ce qu'il a prétendu, elle avait effectivement perdu son collier. C'était la cause pour laquelle elle était restée en retrait donc de l'armée. Donc elle aurait perdu deux fois son collier. Donc cette perte-là n'est pas la perte qui a causé son retrait de la troupe dans Hadithatul Ifk, dans l'histoire de Al-Ifk. Donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à chercher le collier, ainsi que les gens se sont mis à chercher le collier de Aisha radiyallahu anha. Et les gens n'étaient pas dans un endroit où il y avait de l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans l'endroit où ils étaient. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ. Donc les gens sont venus voir Abu Bakr Siddiq, donc le père de Aisha radiyallahu anhuma, et ont dit: ne vois-tu pas ce qu'a fait Aisha radiyallahu anha? أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. Donc elle a été la cause que le prophète alayhi salatu wassalam se mette à chercher, ainsi que les gens, alors que nous ne sommes pas dans un endroit, alors que les gens ne sont pas dans un endroit où il y a de l'eau, et en plus ils n'ont pas d'eau avec eux. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. Aisha dit: alors Abu Bakr رضي الله عنه est venu à moi alors que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait la tête posée sur ma cuisse et il était en train de dormir. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. Donc Abu Bakr رضي الله عنه a dit à sa fille Aisha: donc tu as arrêter les gens, tu les as empêchés de continuer leur voyage, tu as empêché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de continuer son voyage, ainsi que les gens, alors qu'ils ne sont pas dans un endroit où il y a de l'eau, et en plus ils n'ont pas d'eau. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه. عائشة a dit: donc Abu Bakr m'a réprimandé. وقال ما شاء الله أن يقول, et il a dit ce que Allah a bien voulu qu'il dise. Et il a dit ce que Allah a bien voulu qu'il dise. وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاسِرَتِي. Et il a avec sa main, donc Abu Bakr radiyallahu anhu, comme ça poussé Aisha au niveau de sa hanche, en signe de répréhension. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى فَخِذِي. Et il ne m'empêchait donc de bouger, il n'y avait qu'une seule chose qui m'empêchait de bouger, elle dit radiyallahu anhu, radiyallahu anha, C'était la position du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ma cuisse, donc elle ne voulait pas le réveiller, radiyallahu anha. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَا. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Et donc il n'avait pas d'eau. فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ تَيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset du tayammum et ils ont fait le tayammum. Donc le prophète alayhi salatu wa salam ainsi que les compagnons radiyallahu anhum. Faqala Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhu, ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abi Bakr. Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhu, ce n'est pas dit dans cette version mais dans d'autres versions, c'était lui un peu le chef donc des compagnons lorsqu'il cherchait le collier de Aisha radiyallahu anha. Il a dit ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Ya ala Abi Bakrin, ce n'est pas votre première bénédiction, votre première baraka, ô famille de Abu Bakr. Qalat, donc Aisha dit, فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Aisha dit, alors on a fait bouger, donc Al-Ba'ir, la bête, le chameau sur lequel j'étais, et nous avons retrouvé le collier en dessous de celui-ci. Donc ce hadith, il comporte beaucoup de leçons, on ne peut pas toutes les tirer sinon on restera que ce cours et beaucoup d'autres prochains, simplement dans ce hadith-là, mais on en tire, bi'idhnillahi azza wa jal, quelques-uns. Donc la première chose, c'est qu'il est légiféré de voyager avec sa femme, car le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a fait après Aisha, radiyallahu anha, en voyage. Il y a aussi le caractère légiféré que de s'embellir pour son mari, Aisha, radiyallahu anha, donc porter ce collier-là en tant qu'embellissement pour son mari qui était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a aussi le fait qu'il est légiféré pour l'homme de réprimander sa fille même si elle est mariée, chose que n'acceptent pas beaucoup de sœurs aujourd'hui, pensant qu'une fois mariée, le père n'a plus le droit de la réprimander alors que, comme si tout revenait de droit au mari, ce qui est faux. Abu Bakr radiyallahu anhu, pourtant en présence du prophète alayhi salatu wassalam, allait réprimander sa fille Aisha radiyallahu anha. Donc ça c'était la cause de descente du verset du tayammum. Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite, wasifatu, et sa description, donc la description du tayammum. Il dit, bi'an yadriba biyadayhi ala sa'idi tayyib, darbatan wahidatan fayamsahu bihima wajhahu wa kaffayhi. Donc c'est qu'il frappe avec ses deux mains sur le sa'id al-tayyib. On va expliquer qu'est-ce que sa'id. Darbatan wahidatan, une frappe. Fayamsahu bihima, donc il essuie avec ses deux mains, wajhahu, son visage, wa kaffayhi, et ses deux mains. Donc jusqu'au poignet, al-kaff, c'est la main jusqu'au poignet. لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam لِعَمَّارِ, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Ammar, إِنَّمَا يَكْفِكَ هَكَذَا, il te suffit de faire cela, وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ, et le prophète alayhi salatu wa sallam a tapé avec ses deux mains sur le sol, فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ, et il essuya avec ses deux mains son visage, puis ses deux mains alayhi salatu wa sallam, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il dit بأن يضرب, l'imam Ibn Qudama dit qu'il frappe. Est-ce que frapper donc avec force est une condition? Non. Poser les mains donc sur le sa'id, c'est suffisant. Poser les mains, c'est suffisant, il n'est pas obligatoire de taper. Les fuqaha, surtout les Hanabila, ont dit que il faut taper afin que la poussière colle donc à la main, la terre colle à la main. Mais ça, on va voir que ce n'est pas une condition. On choisira la parole selon laquelle on peut faire le tayammum avec tout ce qui est à la surface de la terre, terre, sable, pierre ou autre, qu'il y ait donc matière qui colle à la paume des mains ou non. بِأَنْ يَدْرِبَ, donc frapper ce n'est pas une condition, le fait de poser est suffisant. بِيَدَيْهِ, donc avec ses deux mains, on pose les deux mains en même temps. Et non pas la droite puis la gauche ou bien la gauche puis la droite, mais on pose les deux mains en même temps comme c'est donc le sens littéral du hadith de Ammar Ibn Yasir radiyallahu anhu. Ala sa'id al-tayyib, sur le sa'id al-tayyib. Qu'est-ce que al-sa'id? Al-sa'id, dans la langue arabe, huwa wajhu al-ard, donc c'est la surface de la terre. Wa ma yatasa'adu 'alayha, et tout ce qui est au-dessus. Et tout ce qui est au-dessus, min turab wa ramlin wa hajar, comme terre, comme sable, comme pierre. Donc tout ce qui est à la surface de la terre et qui en fait partie à la base. Ceci rentre dans As-Sa'id. Donc la terre, le sable, les pierres, tout le marbre, le carbone, le charbon, tout ce qui existe à l'état naturel, au niveau du sol, cette chose-là entre dans As-Sa'id, qui fait partie du sol à la base. Donc même un mur, ça entre dans As-Sa'id tant qu'il est encore à l'état naturel, c'est-à-dire qu'il est fait d'une matière naturelle, qu'il est fait d'argile, qu'il est fait de pierre, et qu'il n'est pas recouvert. S'il est recouvert de peinture, il n'est pas permis, Wallahu a'lam, c'est la parole que l'on choisit, il n'est pas permis de faire le tayammum sur un mur qui est peint ou qui comporte de l'huile ou bien du carrelage, notamment un carrelage qui est fait d'une matière donc non naturelle, ne se trouvant pas à la base au niveau du sol, il n'est pas permis de faire le tayammum sur ce mur-là. Car il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète alayhi salatu wa salam a fait le tayammum sur un mur. Wallahu a'lam, les murs de l'époque n'étaient pas les murs que nous avons aujourd'hui. Donc, wa-tayyib, as-sa'id, at-tayyib. Le tayyib, c'est le pur. C'est le pur. Donc, il n'est pas permis de faire le tayammum avec quelque chose de najis. Ça, c'est wadih, c'est clair. Puisque le but, c'est se purifier. Et le fait de toucher une impureté nous rendra impur en matière de khabath. Ceci salira notre corps. Donc il n'est pas permis, et il y a consensus là-dessus, de faire le tayammum avec quelque chose de najis. Donc il dit, rahmatullahi alayh, par Ibn Qudama, فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Donc avec ses deux mains, une fois qu'il a donc posé ses deux mains sur la pierre, sur le sol, donc la terre, le sable, ou même un sol, même une moquette qui est poussiéreuse, c'est bon. Ou même toute chose qui est poussiéreuse, même un lit, même un drap, même un mur qui est poussiéreux. Car là, à ce moment-là, ce que l'on touche, c'est la poussière et non pas le mur en lui-même. Donc à la base, on ne peut pas faire le tayammum avec quelque chose qui ne fait pas partie du sol, donc de la terre comme Allah l'a créée, mais si jamais cette chose-là est poussiéreuse, il est permis. Donc même une porte en fer, si jamais il y a de la poussière dessus, je peux faire le tayammum en mettant mes deux mains sur cette porte en fer, mais en réalité ce que je vis, c'est la poussière qui est dessus et non pas la porte en fer. Donc il dit, فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Il essuie ensuite son visage et ses deux mains. Donc ça c'est l'ordre qui a été cité dans le Coran. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, essuyez vos visages et vos mains. Il a dit d'abord le visage et ensuite les mains. Donc ça c'est le mieux. Mais est-ce que le tartib, donc l'ordre, est obligatoire? Allah a'alam, non. Car il y a donc des versions authentiques dans la sunna montrant que le prophète alayhi salatu wa salam a essuyé ses mains avant le visage. Parmi celles-ci, celle que je cite, une version d'Al-Bukhari, donc du hadith de Ammar ibn Yasir radiyallahu an, où le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, donc c'est une autre version du hadith que l'on a là dans le matn, dans le texte al-umda, innama kana yakfika, il te suffisait, an tasna'a hakada, que tu fasses ainsi, fadaraba bi kaffihi darbatan 'ala al-ard, donc le prophète alayhi salatu wa salam tapa avec ses mains sur le sol, thumma nafadaha, puis les secoua pour enlever donc ce qui restait collé sur sa main. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله. Puis il a ensuite essuyé alayhi salatu wa salam le dos de sa main droite avec la main gauche. أو ظهر شماله بكفه. Puis ensuite le dos de la main gauche avec la main droite. ثم مسح بهما وجهه. Et il a ensuite essuyé son visage. ثم, il y a dans le hadith et non pas waw. Donc le waw, on avait vu la tufid at-tartib, elle n'implique pas l'ordre, alors que thumma implique l'ordre. Ici, il a dit thumma masaha bihima wajha. Puis ensuite, il essuya avec ses deux mains son visage. Mais commencer par le visage avant les mains, c'est le mieux, car c'est ce qui est rapporté dans le Coran. Et si quelqu'un commence par les mains puis le visage, alhamdulillah, c'est acceptable, car ça a été rapporté dans la version que nous avons citée à l'instant. Donc le tayammum, comment est-ce qu'il se fait? Donc on pose nos mains sur la terre, le sable, la poussière, la pierre, quelle qu'elle soit, tant que c'est une pierre naturellement créée par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit même du marbre, que ce soit du carbone, que ce soit n'importe quelle matière qui existe à la base, donc dans la nature, je pose mes deux mains dessus, ensuite j'essuie mon visage, essuyer donc tout son visage. avec les mêmes délimitations que l'on avait vues lors de l'odo. Donc de la racine des cheveux en haut du front jusqu'au bas du menton. Et celui qui a une barbe, donc la barbe entre dans le visage. Celui qui a une barbe doit essuyer lors du tayammum sa barbe. Et en largeur, on avait dit, donc de la racine de l'oreille droite à la racine de l'oreille gauche. Et ensuite, concernant l'essuyage des mains, comme il a été cité dans cette version-là d'Al-Bukhari, donc ce qui est légiféré, c'est d'essuyer le dos de la main droite avec la main gauche et le dos de la main gauche avec la main droite. Donc, quelques notions par rapport au tayammum. La yushara'u takhlil al-asabi'. Le fait de faire le takhlil, qui est le fait d'aller frotter les nœuds des doigts, ce qu'il y a entre chaque doigt, ça ce n'est pas légiféré, car ce n'a pas été rapporté dans la sunna. Et le takhlil des asabi', il avait été rapporté, on avait vu dans le hadith de l'Aqit ibn Sabura radiallahu anhu, qui a dit, akhbirni anil wudu, qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, informe-moi au sujet des ablutions. Il lui a dit, asbiril wudu, il lui a dit, parfait tes ablutions, wa khallil bayna al-asabi', et frotte entre les doigts, wa balir fil istinshaq, et exagère dans l'istinshaq, l'aspiration de l'eau par le nez, illa an takuna sa'ima, sauf si tu es en état de jeûne. Mais ça, c'est par rapport à l'ablution, donc, avec l'eau. Mais ici, il n'est pas légiféré, donc, de frotter entre les doigts pour faire pénétrer la poussière, la terre ou autre. Car d'ailleurs, il n'est même pas obligatoire d'avoir quelque chose sur sa main, de la poussière ou autre. Car si on fait le tayammum avec une pierre, on n'aura rien sur les mains. Il est aussi légiféré de souffler sur ses mains après avoir posé ou bien frappé l'élément, le sa'id dont on se sert. Le prophète alayhi sallam, donc dans certaines versions, il est dit thumma nafakha fihima, puis il souffla dans ses deux mains alayhi salatu wassalam. Et là, les fuqaha, les jurisconsultes, certains disent que c'est mu'allal, il y a une cause, c'est parce que il cherchait alayhi salatu wassalam à faire tomber les cailloux qui seraient qui risqueraient de faire mal au visage, d'enlever le gros qui risquerait de faire mal au visage et notamment d'entrer dans les yeux. Et d'autres disent que c'était aboudi, c'est adoratoire. Donc même si on fait le tayammum avec une pierre et on sait que rien ne va coller aux mains, il est légiféré de souffler, wallahu a'lam. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, l'imam ibn Qudama, wa in tayammama bi akthara min darbatin. Et s'il fait le tayammum avec plus d'une frappe, donc il rajoute une autre frappe. Donc il fait une frappe sur la pierre, sur le sol, il s'essuie le visage, ensuite repose les mains sur le sol, la pierre, pour ensuite essuyer ses mains. Il dit, rahmatullah, wa in tayammama bi akthara min darbatin. Donc s'il fait le tayammum avec plus d'une frappe, aw masaha akthara, ou bien qu'il essuie plus que ce qui a été cité. Donc on parle notamment des mains, qu'il monte au-dessus des poignets et qu'il va jusqu'au coude, notamment comme ça a été cité dans un hadith que l'on va voir mais qui est faible, jaz, il dit c'est permis. Il dit rahimahullah, c'est permis. Donc ces deux notions là sont permises selon l'imam Ibn Qudama rahimahullah. Donc de frapper une deuxième fois sur le sol, la pierre ou autre, donc sur le sa'id. Et la deuxième notion, c'est d'aller au-delà des poignets, donc jusqu'au coude. Et Allahu a'lam, ce qui est légiféré, c'est de faire donc une seule frappe sur le side et de ne pas dépasser les poignets, car la sunna authentique n'apporte pas donc d'informations sur les deux notions qui ont été citées. Donc les hadiths concernant le tayammum, tous rapporte que le prophète alayhi salat wa salam a essuyé jusqu'au poignet. Et al-yad, lorsqu'elle est citée de manière absolue dans le Coran et la Sunna, elle indique donc la main jusqu'au poignet. C'est pour ça que dans le verset de al-wudu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité al-yad comme ça de manière absolue, mais il l'a spécifié en disant wa aydiyakum ila al-marafiq. Lorsqu'il a parlé du lavage, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa aydiyakum et vos mains ila al-marafiq, jusqu'au coude. Alors qu'ici dans le tayammum, Allah subhanahu wa ta'ala il a simplement dit et essuyez vos visages et vos mains, et il n'a pas cité la limite des mains, car à la base la limite de la main dans le Coran et la Sunna c'est le poignet. Et si on veut aller au-delà donc de cette limite là, il faut Donc un texte pour spécifier, il n'y en a pas ici. Le texte est faible, indiquant les deux frappes ainsi que le fait de monter jusqu'au coude. On le cite. Inch'Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان. Le tayammum, c'est deux frappes. Darbatun lil wajh, une frappe pour le visage, wa darbatun lil yadayn, et une frappe pour les deux mains, ila al mirfaqayn, jusqu'au coude. Le hadith est rapporté par Ad-Darqutni, mais il est faible. Cheikh al-Albani rahimahullah l'a affaibli, et d'autres savants, de nombreux savants. Et notamment, il va à l'encontre d'autres hadiths, notamment ce hadith-là. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود. عمار بن ياسر رضي الله عنه dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit au sujet du tayammum, c'est une frappe pour le visage et les deux mains. Donc une seule frappe pour le visage et les deux mains, rapportée par Ahmed et Abu Daoud. À titre informatif, donc عمار بن ياسر رضي الله عنه, donc un jour il était en état de janaba. Et il n'avait pas d'eau pour faire son roussel. Et il dit, donc je me suis roulé dans la terre comme se roule la bête, comme se roule le cheval, l'âne, le chameau. Il s'est roulé dans la terre, la poussière. Donc, en qiyas, en raisonnement analogique sur le roussel de la Janaba. Il s'est roulé comme ça. Car le roussel de la Janaba, comme vous savez, il doit recouvrir tout le corps. Donc il a fait un tayammum, comme lui a pensé être authentique, suivant les informations qu'il avait, en se roulant complètement dans la terre. Et il est venu au prophète, alayhi salatu wa sallam, et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit, donc ce qui a été cité dans les hadiths que nous avons dit précédemment, innama kana yakfika hakada, il te suffisait de faire cela, et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a tapé sur le sol et ensuite essuyé son visage et ses deux mains, alayhi salatu wa sallam. Ibn Qudama, rahimahullah, dit ensuite, وله شروط أربعة. Donc le tayammum a quatre conditions. أحدها, donc l'une d'entre elles, la première, العجز عن استعمال الماء, l'incapacité d'utiliser l'eau. Et l'incapacité, ça il faut le retenir, c'est important. Elle est de deux sortes. العجز الحكمي, l'incapacité. العجز الحقيقي, l'incapacité réelle. Donc parce qu'il y a donc absence matérielle d'eau, il n'y a pas d'eau. Et il y a al-ajzu al-hukmi. Donc ça c'est l'incapacité, l'absence notionnelle. L'eau est là, mais on ne peut pas l'utiliser, et on va citer certains cas. En raison de blessures par exemple, parce que la personne est blessée, il ne peut pas faire donc son roussel de janaba. Donc il va faire le tayammum à la place du roussel de janaba, ou bien il ne peut pas faire ses ablutions, et il va donc faire le tayammum à la place de ses ablutions. Ou bien il est malade, et il a peur donc d'augmenter sa maladie, ou bien de repousser sa guérison, il lui est permis de faire le tayammum. Ou bien il n'est pas malade, et il a peur de tomber malade. Ça aussi c'est un ajz hukmi, c'est une incapacité notionnelle. Il a pourtant de l'eau devant lui, matériellement parlant elle est présente, mais il ne peut pas faire son roussel ou bien ses ablutions, par peur de maladie ou bien de tomber malade. Et il y a d'autres raisons que l'imam Ibn Qudama va citer, Inch'Allah. Mais ce que l'on retient, c'est que tous les cas qui vont être cités, donc ils entrent dans deux grands cas, qui sont l'incapacité donc matérielle, réelle, il n'y a pas d'eau, je n'ai pas d'eau à disposition, et il y a l'autre incapacité qui est due donc à l'absence notionnelle, à l'incapacité notionnelle d'utiliser l'eau. L'eau est présente, mais par des raisons diverses, je ne peux pas l'utiliser. Il dit donc, أَحَدُهَا الْعَجْزُ عَنْ إِسْتِعْمَالِ الْمَا, donc l'incapacité d'utiliser l'eau. لِعَدَمِهِ, ça c'est l'âme ou ta'lil, c'est un l'âme de cause. En raison de لِعَدَمِهِ, donc en raison de son absence. Donc lorsque l'eau est absente, il n'y a pas d'eau, et que je suis en janaba, et que je veux me purifier, je n'ai pas d'eau, donc j'utilise le bedel, le remplaçant qui est at-tayammum. De même si donc j'ai un hadith asrar, je suis en état de petit hadith notionnel, et que je dois faire la prière, ou bien je veux lire le Coran, ou toute autre action qui est conditionnée par la pureté, alors il est légiféré de faire le tayammum. Donc il dit les adami, s'il y a absence totale d'eau. Quelle est la preuve de cela ? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu, si vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu, faites le tayammum. Donc dans surat al-Nisa et al-Ma'ida. Mais si quelqu'un ne trouve pas d'eau, tout de suite, s'il n'a pas d'eau, est-ce qu'il doit en chercher? Na'am, oui. Et il est obligé d'en chercher. Donc si c'est l'heure du dhuhr, le dhuhr est entré, et je veux faire le dhuhr, mais je n'ai pas d'eau, je dois chercher l'eau. Si mon voisin en a, je dois obligatoirement aller lui en demander. Si jamais je peux aller en acheter, je vais au centre commercial en acheter, de manière obligatoire. On va voir les conditions où en acheter. Il est permis de ne pas en acheter. On verra les raisons qui font qu'il est permis de ne pas en acheter. Mais à la base, donc, si je peux en acheter, je suis obligé d'en acheter. Et je dois aussi le chercher. Mais je ne dois pas, lors de ma recherche, faire un voyage qui m'amène dans la mashaqqa, la difficulté. Dépenser beaucoup et partir loin, faire un voyage pour aller chercher de l'eau, ça ce n'est pas légiféré. Et il y a des récits dans lesquels des salafs, rahimahumullah, ou bien le prophète, alayhi salatu wa sallam, a vérifié, ont fait le tayammum à une distance donc de Médine, mais Médine étant à une distance conséquente, ils ne sont pas allés jusqu'à Médine pour pouvoir aller chercher de l'eau. Donc il n'est pas légiféré de faire un long voyage. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, aw khawfi ad-darari, ou bien par peur d'avoir mal. On revient à l'absence d'eau. Si jamais donc je n'ai pas d'eau et j'en ai cherché autour de moi et que je n'en ai pas trouvé, donc il est légiféré de faire le tayammum. Il est légiféré de faire le tayammum. Si je suis sûr qu'à une certaine heure, donc et avant la sortie de l'heure de la prière, il y aura de l'eau chez moi, ça peut arriver. Donc soit j'ai la certitude, j'ai la science qu'il y aura de l'eau, ou bien un dhan rajih, ou bien une pensée prépondérante. Parfois ça arrive que les services de l'eau, par exemple de la ville, ils fassent une coupure et disent l'eau sera remise en service à 16h30, alors que le dhuhr sort donc de son heure à 17h30 par exemple. L'entrée du asr est à 17h30. Donc j'aurai une heure pendant laquelle il y aura de l'eau avant que la salat ne sorte de son heure. Est-ce qu'il est obligatoire de reculer la prière? Non. Il n'est pas obligatoire de reculer la prière. Je peux prier avec le tayammum en début d'heure, même si je suis sûr que je vais avoir de l'eau après. Car à ce moment-là, je suis mukhatab. Je suis interpellé par la prière. Et à ce moment-là, mon état fait que je n'ai pas d'eau. Donc il est permis de faire la prière dans cet état-là. Mais est-ce que c'est recommandé de la reculer? Oui, c'est recommandé. Si je suis sûr, ou bien j'ai une pensée prépondérante que je vais avoir de l'eau. Si je doute 50%, je ne suis pas sûr que je vais avoir de l'eau, je ne suis pas plus sûr d'avoir de l'eau que je n'en aurai pas, à ce moment-là, je fais en début de prière. Je fais en début d'heure ma prière. Je fais ma prière en début de plage horaire. Si je suis sûr que je n'aurai pas d'eau, donc plus tard, à ce moment-là, bien sûr qu'il est recommandé de faire la prière en début de plage horaire. Donc il dit, l'adami aw khawf ad-darar bi-isti'malihi limaradin, ou bien par peur donc de subir un mal par l'utilisation de l'eau en raison d'une maladie. Donc la personne est malade et elle a de l'eau. Elle a peur donc d'utiliser cette eau pour faire son ghusl de janaba, ou bien son ghusl de haid, ou bien pour faire ses ablutions. Donc elle a peur, en utilisant cette eau-là, de tomber malade, ou bien elle est malade, elle a peur d'augmenter sa maladie, ou bien aussi de reculer donc la guérison. Donc pour ces diverses raisons, il lui est permis, bihaoulillah, de faire le tayammum. Donc si la personne est malade ou bien a peur de tomber malade, ou bien qu'elle est malade, elle a peur que sa maladie augmente ou bien que sa guérison soit reculée, il lui est permis donc de faire le tayammum en remplacement du roussel de janaba ou de haid, ou bien en remplacement aussi de ses ablutions. Au bardin shadid, ou bien en raison donc d'un froid intense. Ou en raison d'un froid intense. Donc concernant ce cas-là, c'est arrivé au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Amr ibn al-As radiyallahu anhuma radiyallahu anhu donc a fait le tayammum alors qu'il était en janaba par peur donc de tomber malade parce qu'il faisait froid. On rapporte le hadith an Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati as-salasil qala ihtalamtu fi laylatin baridatin shadidati al-bard fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlak فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود. Donc Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit, lorsque il a été envoyé donc à l'expédition de Dhat al-Salasil, il dit ihtalamtu, donc il a été en état de janaba en raison donc de d'une sortie de sperme pendant la nuit, pendant le sommeil. Fi laylatin baridatin shadidatil bird. Donc j'ai fait l'ihtilam, j'étais en état de janaba pendant une nuit très très froide, il dit. Il dit pendant une nuit très froide. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlak. Donc j'ai eu peur si jamais je faisais le ghusl, donc le bain rituel, de mourir. Fa tayammamtu, j'ai donc fait le tayammum. Thumma sallaytu bi ashabi salat as-subh. Puis j'ai fait ensuite la prière en tant qu'imam, donc avec mes compagnons, la salat du subh. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم lorsque nous sommes revenus au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له, ils lui ont cité cela, donc ils lui ont raconté l'histoire. فقال, donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit يا عمر أو عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب, tu as fait la prière donc en tant qu'imam alors que tu étais جنوب, en état donc de grande impureté. فقلت ذكرت قول الله تعالى, il a dit je me suis rappelé la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum, inna allaha kana bikum rahima. Et ne tuez pas vos âmes, ne vous tuez pas vous-même. Inna allaha kana bikum rahima. Allah est tout miséricordieux avec vous. Fatayammamtu, j'ai donc fait le tayammum. Thumma sallaytu, puis j'ai fait la prière. Fadahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yaqul shay'a. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, rit. Donc il a ri, alayhi salatu wa sallam, et n'a rien dit. Et n'a rien dit. Donc ça, c'est un iqrar, c'est une confirmation du prophète alayhi salatu wassalam. On avait dit que la sunnah se divisait en trois grandes catégories. La sunnah qawliya, la sunnah en tant que parole, dans le premier dars, on l'a dit à l'introduction. La deuxième catégorie, c'est la sunnah fi'liya, la sunnah en termes de pratique, les actes du prophète alayhi salatu wassalam. Et la troisième catégorie, c'est la sunnah at-taqririya, la sunnah en termes donc de confirmation. Certains savants disent al-wasf en quatrième catégorie, la description. Il y a divergence là-dessus. Est-ce que la description du prophète alayhi salatu wassalam entre donc dans la sunna ou pas? Donc ici Amr ibn al-As, comme on le voit, par crainte de tomber malade en raison d'un froid intense, il a fait le tayammum, mais le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé son acte, donc il est légiféré. L'imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi dit ensuite aw khawf al-atash 'ala nafsihi, ou par peur de la soif sur lui-même. Donc une personne a de l'eau en petite quantité, il est en voyage ou pas, et il a peur si jamais il fait ses ablutions avec cette eau-là. Donc si une personne a une quantité d'eau, donc une petite quantité d'eau, et il doit faire ses ablutions ou bien son ghusl, et il craint en faisant son roussel ou bien ses ablutions ensuite d'avoir soif. Donc il lui est permis de faire le tayammum. C'est s'il a une quantité bien sûr qui ne suffit pas à tout, S'il a une quantité qui lui suffit à faire les ablutions et à boire ensuite, bien sûr, il ne fait pas le tayammum. Mais s'il a une quantité qui simplement lui suffit soit faire les ablutions ou bien le rousl ou bien boire, et qu'il a peur, donc en faisant ses ablutions, de ne pas avoir d'eau ensuite, de ne pas en trouver, il lui est permis de faire le tayammum. Mais celui qui a simplement une quantité d'eau, hein, qui lui permet de faire soit les ablutions, soit de boire, mais qui est sûr, même s'il fait ses ablutions maintenant, de trouver de l'eau ensuite, parce qu'il est en ville, il y a des centres commerciaux, il y a de l'eau de partout, des aires d'autoroute, il peut s'arrêter à n'importe quel moment à avoir de l'eau, il ne dit pas à ce moment-là, je fais le tayammum, parce que cette petite quantité d'eau est simplement suffisante pour que je bois. Non, il fait donc ses ablutions bien son rousl, et ensuite, il l'achètera de l'eau ou en trouvera ensuite plus tard. Donc s'il est sûr d'en trouver, ou bien qu'il a une pensée prépondérante d'en trouver, et qu'il n'a pas donc de crainte d'avoir soif ensuite. Il dit au khawf il attaché à la nafsi. Donc s'il a peur de d'avoir soif, donc pour lui-même, au malihi, ou bien pour son bien, par exemple s'il est un esclave, un abd, s'il est un esclave, il a peur que cet esclave ait soif, donc il lui permet aussi de faire le tayammum pour garder donc cette eau-là pour son esclave. Ou bien sa monture, s'il a un cheval, un chameau, un âne ou autre, il lui est permis donc de faire le tayammum pour garder cette quantité d'eau donc pour sa monture. Ou rafiqi, ou bien son compagnon de voyage, donc sa femme, ses enfants, un ami qui est avec lui, donc il a une quantité d'eau, hein, qui lui permet simplement de faire les ablutions, bien le rousl, ou bien de boire, il garde alors cette quantité d'eau pour pouvoir boire ensuite s'il a peur de ne pas trouver de l'eau ensuite. Donc pour lui-même, pour sa monture, pour son esclave, pour son compagnon de route ou autre. Au khawfin ala nafsi, ou bien s'il a peur, donc pour lui-même, au malihi, ou bien donc pour ce qu'il possède comme esclave monture, fi talabi. Donc si jamais la recherche de l'eau crée en lui une peur, une crainte pour lui-même, ou bien pour son compagnon, ou bien pour sa monture, ou bien pour son esclave, alors il lui est permis de faire le tayammum. Il sait par exemple qu'il y a de l'eau à tel endroit, mais cet endroit il est mal fréquenté, il y a des gens qui ne sont pas bien, hein, qui peuvent l'attaquer, qui peuvent l'agresser, lui, ou bien lui voler sa monture ou autre. Alors à ce moment-là, il lui est permis de faire le tayammum, car c'est un ajz hukmi, donc c'est une incapacité notionnelle, c'est une absence notionnelle. Matériellement parlant, l'eau est présente, mais il est permis de faire le tayammum à ce moment-là, si on a peur pour soi-même, sa monture ou autre. Ou bien sa famille aussi, ses enfants, même sa voiture, si je suis dans mon véhicule et que je sais que je suis dans un quartier où il casse les voitures, j'ai peur qu'il me prenne mes jantes, j'ai peur qu'il me prenne mon poste, j'ai peur, j'ai des bagages par exemple, j'ai pas de plage arrière qui cache, et j'ai des sacs, je sais que je suis dans un quartier mal fréquenté, et je crains, même si je vais 10 minutes au centre commercial, hein, qu'il me casse ma voiture, notamment si j'ai une plaque d'immatriculation parfois qui est étrangère, qui est pas du même département, hein, je vois des voyous, ils sont au centre commercial, ils sont en train de squatter, et j'ai mon véhicule, je crains, je vois qu'ils me regardent, moi, ils voient que je suis étranger, je suis pas du quartier, et j'ai peur, je me dis, si je vais dans le centre commercial, le quart d'heure, les 20 minutes que je vais prendre pour acheter mon eau, pour pouvoir faire mes ablutions, ils vont me casser ma voiture, je peux faire le tayammum, si je sais que je ne vais pas trouver d'eau ailleurs, bien que j'en ai une pensée prépondérante. Il dit donc, au khawfin ala nafsi, ou bien s'il a peur pour lui, au malihi, ou bien pour ce qu'il possède, fi talabi, donc en le recherchant, il a peur pour lui-même ou bien pour ce qu'il possède, ou i'wazihi illa bi thamanin kathir. Et aussi, donc cette eau-là, elle est difficile à trouver, mais il la trouve avec un prix qui est très élevé. Donc si jamais l'eau est en vente, donc il y a des tailles. Si jamais l'eau elle est vendue au prix courant, au prix du marché, comme d'habitude, là je suis obligé de l'acheter pour pouvoir faire le tayammum si j'ai de quoi acheter donc cette eau-là. Si jamais j'ai de quoi acheter cette eau-là. Et si jamais en achetant cette eau-là, je ne tombe pas dans une grosse difficulté. Parce que pour certains, 1 euro, ou parfois même 15 centimes, c'est peut-être que ce qu'il a. Peut-être aller acheter juste une bouteille dans un centre commercial à 15 centimes pour quelqu'un qui est SDF, qui n'a vraiment que ça. Lui, il attend de compléter un euro pour aller acheter une baguette et pouvoir manger une baguette. Donc, même ce petit prix-là, qui est le prix courant, à ce moment-là, la personne fait le TMO mais n'achète pas, même si c'est le prix de base. Mais pour quelqu'un qui a les moyens, comme c'est la majorité des gens, donc si jamais c'est le prix courant, le prix du marché, il est obligé d'acheter. On avait dit la qaïda, ma la yatimu l'wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lorsqu'une obligation ne peut être atteinte que par, qu'en passant par une autre chose, cette chose-là devient à son tour une obligation. Si jamais le prix est au-dessus du marché, le prix est au-dessus du marché, comme c'est le cas par exemple dans les aires d'autoroute, la bouteille d'eau minérale dans le frigo, elle fait 5 fois le prix de courant. Ce prix-là, on regarde ce prix. Est-ce qu'il est toujours atteignable et il est toujours donc ce n'est pas un prix qui est exagéré comme c'est le cas là. Les bouteilles elles sont au pire à 1 euro, donc ça c'est quelque chose qui est atteignable par quasiment tout le monde. Là aussi je suis encore obligé de l'acheter, c'est encore obligé de l'acheter. Mais si encore il y a donc ce qu'on appelle ishaf, c'est-à-dire mise en difficulté par cet achat-là, même s'il est d'un euro, je n'achète pas. Et ça c'est possible, la personne n'a qu'un euro à ce moment-là. Soit elle achète la bouteille d'eau, soit elle fait le TMO. Et si elle achète la bouteille d'eau, elle tombe dans une difficulté ensuite. Donc on lui dit non, tu fais le TMO, mais tu n'achètes pas la bouteille d'eau. Mais si jamais on est au-dessus du prix du marché et que ce prix est toujours encore acceptable et qu'il ne me met pas en difficulté, je suis obligé d'acheter. Et si jamais ensuite le prix est exagéré, vraiment très exagéré, et notamment il me met en difficulté, là je n'achète pas. Et parfois, certains savants disent, même s'il n'y a pas difficulté. C'est vrai, si on trouve une bouteille à 50 euros, hein, même 50 euros, on peut acheter. Ça, peut-être ça va pas nous faire... on achète ça, on est parti en week-end, j'ai pas d'eau. Voilà, c'est soit tayammum, soit j'achète la bouteille à 50 euros. Je peux l'acheter à 50 euros et rentrer chez moi, je vais pas avoir un trou économique dans mon mois. Hein. Mais il m'est permis, là, certains savants disent, là, même à 50 euros, tu n'achètes pas. Parce que la personne est vraiment, elle a vraiment exagéré. Wallah a'lam, mais d'autres disent que la ibada n'a pas de prix, tu achètes et tu fais tes ablutions. Wallah a'lam, les deux avis sont présents. Wallah a'lam, le plus authentique, Allah le connaît. Il dit fa'in amkanahu. Donc il a fini ici les cas concernant l'absence notionnelle ou bien l'absence physique de l'eau. Donc tout ça, ce sont des cas en réalité qui sont innombrables. Là simplement, il a donné des cas qui étaient les cas principaux à son époque, mais les cas où on peut faire le tayammum sont innombrables. La preuve concernant les cas de maladie ainsi que de peur sur sa femme, sur ses enfants, sur son véhicule, etc. Hein, il faut bien une preuve pour pouvoir faire le tayammum face à tous ces cas-là. C'est le hadith, donc la darar wa la dirar, qui est un hadith, donc rapporte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la darar wa la dirar. Le hadith est rapporté par At-Tabarani ibn Majah et d'autres. La darar, pas de mal pour soi-même. Wa la dirar, et pas de mal à autrui. Certains disent la darar, pas de mal involontaire. Wa la dirar, et pas de mal donc volontaire. Il y a plusieurs explications à darar et dirar. La darar aussi, pas de mal. Dans la législation, en elle-même, la législation ne porte pas de mal. Wa la dirar, et l'individu, le mukallaf, l'individu ne doit pas faire de mal à autrui. Donc la sharia enlève tous les mots M-A-U-X qui puissent arriver à la personne. Donc ça, ce sont des cas de difficulté qui mettent la personne donc dans des situations difficiles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de faire le tayammum par rapport donc à ce hadith là, la darar wa la dirar. Il dit ensuite Ibn Qudama rahmatullah alayh, فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَلُهُ فِي بَعْدِ بَدَنِهِ. Si il peut utiliser l'eau dans une partie de son corps, donc pour le ghusl ou bien pour les ablutions. Quelqu'un est blessé donc au visage, مثلاً. Il est blessé au visage. Il peut utiliser une partie de l'eau pour faire son ghusl, en lavant son corps sauf le visage. Et ce qui, lorsqu'il sera lavé, risque de faire couler l'eau sur le visage, comme par exemple le cuir chevelu, le crâne. Donc il lave tout le reste du visage, wa tayammama lil baqi, et il fait le tayammum pour le reste. Il dit rahimahullah. De même pour les ablutions. Quelqu'un qui est blessé par exemple au pied, à un des deux pieds. Donc il fait ses ablutions et lorsqu'il arrive au pied blessé, il ne fait pas, il ne lave pas ce pied-là. Il fait le tayammum ensuite pour ce pied-là. Et le tayammum, donc pour le membre qui ne peut pas être lavé, il se fait après la fin du lavage. Après la fin du lavage. Donc si jamais c'est le bras gauche que je ne peux pas laver dans les ablutions, je fais mes ablutions, je saute le bras gauche parce que je ne peux pas le laver car il est blessé. Et lorsque je finis mes ablutions, je fais le tayammum. Je ne fais pas le tayammum au moment du lavage du bras gauche et je continue avec un autre lavage après le tayammum. C'est compris ? Je fais le tayammum à la fin du lavage. Il dit « فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَلُهُ فِي بَعْدِ بَدَنِهُ » Donc s'il peut utiliser l'eau dans une partie de son corps, « أَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي » ou bien qu'il trouve une eau mais qui ne lui suffit pas à faire son roussel ou bien ses ablutions complètes. Il dit « اِسْتَعْمَلَهُ » Il utilise cette eau-là, donc il fait ce qu'il peut comme ablution ou bien comme roussel, « وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي » et fait le tayammum pour le reste. Donc j'ai une eau qui me permet de faire toutes mes ablutions, sauf le bras gauche, sauf la tête et les deux pieds, mathalan. J'arrive pas à faire avec donc les pieds et la tête. Donc je me lave les mains, je fais la madmada, l'istinchar, le visage, bras droit, bras gauche, je n'ai plus d'eau. Après je fais le tayammum pour la tête et les pieds. De même pour le roussel. Je fais ce que je peux de mon roussel avec l'eau et ensuite je fais le tayammum pour le reste. Quelle est la preuve de cela? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Allah dit, craignez Allah autant que vous le pouvez. Verset 16. Donc là, tu es toi, on t'a ordonné de faire les ablutions. Tu peux faire une certaine partie de ces ablutions-là, donc tu les fais. Et ensuite tu fais le tayammum pour le reste, car tu n'as plus d'eau. Allah dit, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si vous ne trouvez pas d'eau, faites le tayammum. Et là tu n'as plus d'eau, donc tu fais désormais le tayammum pour le reste. Et aussi le prophète alayhi salatu wa sallam dit, وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمَرٍ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsque je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez. Donc là tu peux faire une certaine partie de tes ablutions ou bien de ton roussel. Donc tu fais cette partie dont tu es capable et ensuite tu fais le tayammum pour le reste. Il dit l'imam Ibn Qudamah rahmatullah alayhi ensuite, الثاني, donc la deuxième condition du tayammum, الوقت, c'est-à-dire دخول الوقت, l'entrée de l'heure. فَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَارِدَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا. Il ne fait pas le tayammum avant l'entrée de l'heure pour une prière obligatoire. Donc l'imam Ibn Qudama nous dit que si jamais tu veux faire le tayammum pour ta prière du dhuhr, tu ne peux pas faire ton tayammum avant donc le zawal, avant que le soleil ne dévie donc de son axe en haut du ciel. De même, si jamais tu veux faire le tayammum pour Salat al-Maghrib, tu ne peux pas faire le tayammum avant que le soleil, le disque, n'ait disparu à l'horizon, etc. Donc tu ne peux pas faire le tayammum avant l'entrée de l'heure, selon la parole de l'imam Ibn Qudamah rahmatullah alayhi. Wallahu a'lam, ce que l'on choisit, c'est que c'est permis. C'est que c'est permis. Quel est le dalil? C'est qu'il n'y a pas de dalil pour dire que avant le waqt, que avant l'heure, tu ne peux pas faire le tayammum. Il n'y a pas de délil clair du Coran de la Sunna, ou bien d'ijma' à ce niveau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً, si vous ne trouvez pas d'eau, فَتَيَمَّمُوا, faites le tayammum. Et là, les fuqaha, rahmatullah alayhim, les juristes qu'on consulte souvent, ils ont mis ces qawa'id, ces règles-là par rapport, donc, à la compréhension de la rukhsa et de la darura, de la nécessité et de la dérogation. Allahu a'lam, ça demande un texte et il n'y a pas de texte. Donc il est permis de faire le tayammum même avant l'entrée du dhuhr. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'eau, tu veux faire la prière, tu fais ton tayammum. Et après, si jamais tu trouves de l'eau avant la prière du dhuhr, na'am, là à ce moment-là, tu es obligé de faire tes ablutions. Mais faire le tayammum avant l'heure est permis, wallahu a'lam. Et celui qui veut faire après l'heure pour sortir du khilaf et être plus sûr, il peut faire cela, c'est plus sûr pour lui, wallahu a'lam. Donc il dit فَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَارِدَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا. Il ne fait pas le tayammum pour une prière obligatoire avant son heure. وَلَا لِنَافِلَةٍ فِي وَقْتٍ نَهْيَ عَنْهَا. Il ne fait pas non plus le tayammum pour une nafila, donc pour une prière surérogatoire pendant la période d'interdiction. Donc la période d'interdiction, on avait dit, enfin on l'a pas vu, on le verra plus tard, Inch'Allah, elles sont au nombre de 3, de manière globale 5, de manière détaillée. De manière globale 3. Donc la première, c'est de la montée du Fajr jusqu'au Shuruq. Ça, c'est la première période. Plutôt même jusqu'à ce que le soleil dépasse donc l'horizon de la longueur d'une lance. Donc on va dire environ un quart d'heure après le Shuruq. Donc ça, c'est la première période. De la montée du Fajr, c'est-à-dire l'entrée de l'heure du Subh, jusqu'à ce que le soleil dépasse l'horizon de la longueur d'une lance environ un quart d'heure après le Shuruq, wallah alam. Deuxième période, c'est Qa'imatul Dhahira, lorsque le soleil est immobilisé, donc dans le creux du ciel. Donc avant l'entrée du Dhuhr. Donc c'est l'entrée du Dhuhr et on prend un quart d'heure avant. Ici aussi, il est interdit de faire la prière. Troisième période, pendant que le soleil se couche. Troisième période, après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Troisième période, après Salat al-Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça, c'est les trois de manière globale. Après, de manière détaillée, donc la première période, on la divise en deux, de la montée du Fajr jusqu'au Shuruq. Et après du Shuruq, jusqu'à ce que le soleil se lève, donc de la longueur d'une lance au-dessus de l'horizon. Cette deuxième période de la première est encore plus interdite que la première. Donc pendant que le soleil se lève au-dessus de l'horizon jusqu'à ce qu'il dépasse l'horizon de la longueur d'une lance, là c'est encore plus interdit qu'entre le Subh et le Shuruq. Et après la troisième période aussi, on la divise en deux, donc du Asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Là c'est interdit de prier, c'est pas makruh comme les fuqaha disent souvent, c'est haram. Le prophète a interdit, et la base dans l'interdiction, donc c'est le haram jusqu'à ce qu'un dalil vienne montrer que c'est makruh et il n'y en a pas. Et ensuite, l'autre période, la deuxième période de la troisième période du global, c'est du jaunissement du soleil jusqu'à son coucher. Donc lorsque le soleil rougit jusqu'à ce qu'il se couche, là c'est encore plus interdit qu'après le Asr. Donc trois de manière globale et cinq périodes interdites de manière détaillée. On les verra, ça, il y a une porte spécifique aux périodes d'interdiction de la prière. Celui qui fait donc le tayammum pour faire une nafila à ce moment-là, son tayammum est batil, il est nul. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala donc ne nous permet pas de faire un tayammum pour une ma'asiyya. On avait vu ça. Que les rochas, les dérogations, la tustabahu biha al-ma'asi. Il n'est pas permis donc de les utiliser pour faire une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se fonde sur le hadith de Aisha radiallahu anha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action dont il n'a pas reçu l'ordre, donc cette action-là est réfutée sur lui. Donc ce tayammum, on n'en a pas reçu l'ordre de faire un tayammum pour une nafila à un moment où il est interdit. Donc de prier. Il dit ensuite, la troisième condition, l'intention. Donc, quelle est l'intention du tayammum? Il y a divergence chez les jurisconsultes. Est-ce que le tayammum est rafi'un lil hadath? Est-ce qu'il enlève le hadath, petit ou grand? Ou bien est-ce qu'il est mubih, autorisateur? Est-ce qu'il est autorisateur? Donc, tu gardes le hadath sur toi, mais le tayammum te permet de faire des actes qui sont à la base conditionnés par la pureté, comme toucher le Coran, comme prier, comme faire le tawaf, etc. Ou bien est-ce que le tayammum enlève ton hadith? Allah a'lam, il est mubih, autorisateur, c'est l'avis que l'on prend. Il est autorisateur et il n'enlève pas le hadith. Et la preuve de cela, c'est notamment le hadith de Amr ibn al-As tout à l'heure. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, sallayta bi ashabika wa anta junub. Tu as prié avec tes compagnons alors que tu étais junub? Alors que tu étais junub? Donc le hadith, lorsqu'on a un hadith, on a un wasf. On a des ahkam, on a une qualité, donc qui est le fait que tu es un muhdath, tu es quelqu'un qui a donc un hadith akbar ou bien asrar, grand ou petit, et ensuite il y a les règles qui découlent de ça. Tu ne peux pas toucher le Coran, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire le tawaf, etc. Ça, ce sont les règles qui découlent du wasf, de la qualité. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam a confirmé le wasf, donc de Amr ibn al-As qui était junoub. As-sallaita, est-ce que tu as prié? Wa anta junoub. Wa, ça c'est wa wul hal. Wa, et alors que. Wa wul hal. Wa anta junoub. Alors que tu es en état de janaba. Amr ibn al-As lui a pas dit, non mais je n'étais pas en état de janaba, j'ai fait le tayammum. Il ne lui a rien dit. Donc le prophète alayhi salatu salam a bien qualifié Amr ibn al-As, bien qu'ayant fait le tayammum, d'être en état de janaba. Donc le tayammum n'enlève pas le hadith, mais simplement est autorisateur, wallah a'lam. Donc an-niyah, quelle intention je mets? Quelle intention je mets? Je mets l'intention donc de me rendre autorisé ce pourquoi la purification est conditionnée. C'est compris? Je mets l'intention de me rendre permis, al-istibaha, de me rendre autorisé par ce tayammum-là de toucher le Coran, de faire la prière. Donc je me donne une permission comme ça générale pour tous les actes qui sont conditionnés par la purification. Et même si jamais j'ai visé un acte de manière précise, j'ai fait mon tayammum pour lire le Coran, pour toucher le Coran. J'ai fait le tayammum pour faire une prière, la prière de Doha. J'avais mis cette intention-là. Après, je peux tout faire, même la prière obligatoire, Inch'Allah. Même si dans le madhhab, ce n'est pas permis. Mais tout ça, c'est des détails que les fuqaha ont donné, qui rendent compliqué après le tayammum et qui notamment font naître des waswas après dans les gens. Après, les gens, est-ce que j'ai fait mon tayammum pour le Coran? Je l'ai fait pour Doha? Est-ce que je l'ai fait pour ceci ou pour cela? La personne qui fait son tayammum, elle met une intention générale pour sortir d'une porte large, Inch'Allah. Donc, je mets l'intention de me rendre permis tous les actes qui sont conditionnés par la purification, mais même si j'ai mis une intention particulière, Inch'Allah, ça reste un tayammum général qui me permet de faire tout acte qui est conditionné à la base par la purification. Donc il a dit an-niyyah, l'intention. Ensuite, il a rapporté des règles qui sont en lien avec le madhhab. Fa in tayammama li nafilatin lam yusalli bihi farda. Donc si jamais il fait le tayammum pour une prière surérogatoire, il ne peut pas prier avec ce tayammum-là une prière obligatoire. Nous, on a dit, il peut, inshallah, bihaoulillah, car il n'y a pas de réel dalil là-dessus, même s'il se base sur le hadith, donc de Omar, radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Donc, toi, tu as eu l'intention de faire un tayammum pour salat al-duha, tu ne peux pas faire donc une prière obligatoire avec. Car ils mettent des différents degrés. Ils mettent al-a'la, donc le degré le plus haut, ce sont les prières obligatoires. Et mettre ensuite l'adna, c'est ce qui est surérogatoire. Et tu peux avec un tayammum pour une prière a'la, donc qui est au-dessus, faire une prière qui est en deçà. Si jamais tu as fait un tayammum pour le dhuhr, tu peux faire ensuite avec ce tayammum-là, donc des nafilas. Mais si jamais tu as fait un tayammum pour salat al-duha, tu ne peux pas avec ce tayammum-là faire la prière du dhuhr. Allah a'lam. Inch'Allah, le tayammum ne demande pas ce détaillisme dans l'intention d'Allah a'lam. Il dit ensuite, wala li nafilatin fi waqtin, il dit, wa in tayammama li faridatin falahu fi'luha. Et si jamais il fait le tayammum, donc pour une prière obligatoire, falahu fi'luha, il lui est donc permis de faire cette prière-là. Wa fi'lu ma sha'a min al-fara'id wa an-nawafil hatta yakhruja waqtuha. Et il lui est permis de faire ce qu'il veut comme prière obligatoire et surérogatoire jusqu'à ce que sorte l'heure. Donc si jamais quelqu'un veut faire le jam' entre le dhuhr et l'asr, il fait qu'un tayammum. Il fait que le tayammum. Car il fait le tayammum pour une première prière obligatoire et l'autre prière qui est derrière, c'est encore une prière obligatoire. Et donc il n'est pas demandé de refaire le tayammum. En revanche, selon le madhhab, si jamais il fait le tayammum pour une prière surérogatoire et ensuite il veut faire, donc avec ce tayammum là qui a été fait pour une prière surérogatoire, une prière obligatoire, il ne peut pas. Mais nous on a dit que le tayammum, inshallah, avec une intention quelle qu'elle soit, donc de se rendre permis un acte quel qu'il soit, inshallah, tu peux faire avec des prières obligatoires, surérogatoires, etc. C'est compris, ça c'est important, inshallah. Donc si jamais par mon tayammum j'ai mis l'intention simplement de pouvoir toucher le Coran pour le lire, il m'est permis ensuite, bihaoulillah, azza wa jal, de faire même une prière obligatoire avec. Mais il faut sortir d'une porte large à ce niveau-là, car quand même, ce n'est pas totalement infondé, ce détaillisme dans la niya, notamment le hadith de Omar radiallahu anhu. Donc le mieux, c'est toujours de mettre une intention générale, mettre l'intention de se rendre permis tous les actes qui sont conditionnés par la pureté. Hein, Inch'Allah. Concernant toujours l'intention, si jamais la personne est en janaba et que par ce tayammum là, elle met l'intention d'enlever le grand hadith et le petit hadith, il peut par un seul tayammum, donc ensuite faire des prières, etc. Si jamais il met l'intention simplement du grand hadith, Inch'Allah, donc l'intention du petit hadith entre dans l'intention du grand hadith. Comme on avait dit dans le roussel, même si dans le roussel on avait dit que le mieux, on avait suivi le madhab, c'est de mettre aussi le petit hadith avec. On était resté sur le madhab. Mais la parole qui dit que le petit hadith entre dans le grand est forte, et on l'avait dit aussi, que cette parole-là, elle est fondée. Et celui qui veut sortir d'une porte large, et c'est toujours le mieux, il met les deux intentions. Le grand hadith et le petit hadith. Celui qui met que le grand hadith, bi'idhnillah, c'est aussi bon pour le grand hadith et le petit hadith. Celui qui met que le petit hadith, Allahu a'lam, même si Cheikh Ibn Taymiyyah dit que c'est suffisant même pour les deux, bah Allahu a'lam, le mieux c'est qu'ils mettent le grand hadith et le petit hadith. Car ça c'est critiquable et critiqué par des savants, et certains disent que non, ce n'est pas suffisant. Allahu a'lam, simplement le petit hadith, Allahu a'lam, ce n'est pas suffisant. Du moins le mieux c'est de sortir d'une porte large en mettant les deux hadith, ou du moins que le grand. Il dit Ar-Rabi', quatrième, donc condition, At-Turab, donc la terre. فَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٍ. Il ne fait le tayammum qu'avec de la terre, لَهُ غُبَارٍ, donc qui possède de la poussière qui colle, donc aux mains, طَاهِرٍ, donc qui est pur. Donc dans le madhab, il n'est pas permis de faire le tayammum avec les pierres, avec tout ce qui est sur le sol que nous avons cité tout à l'heure, mais simplement la terre. Simplement la terre. Et ils se sont fondés donc sur une version du hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui dit j'ai été favorisé, privilégié sur les autres prophètes par six choses. Et on avait donné la version وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسِجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre a été faite pour moi, donc un endroit de prosternation et de purification. Et il y a des versions d'autres hadiths qui disent وَجُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا. Et la tourba, donc la terre, a été faite pour moi un élément donc de purification. Ils ont dit donc que ici le mot tourba, il vient spécifier la version qui dit ard, qui dit terre. Donc ils disent que ça spécifie. Wallahu a'lam, une règle dit que lorsque un élément, fardun min afradil am, un élément donc d'une notion générale, al ard c'est la notion générale, al turba c'est un élément parmi les éléments et les éléments composant al ard. Lorsqu'un élément, donc fard min afradil am, parmi les éléments donc de la généralité est cité avec un hukm, avec un statut qui ne va pas à l'encontre du statut donc de l'élément général, il n'y a pas spécification par cet élément cité-là. Donc là, on ne peut pas spécifier Al-Ard par Turba. Par Turba. Parce que ce n'est pas un hukm qui va à son encontre. C'est comme si tu dis, donne de l'eau à boire aux élèves et donne de l'eau à boire à Amr. Est-ce que ça veut dire, une fois que tu as dit donne de l'eau à boire à Amr, que tu as annulé le fait de donner de l'eau à boire aux autres élèves? Non. Mais simplement, c'est une insistance. Et c'est certain que puisque Al-Turba a été cité dans le hadith, Na'am, c'est le mieux. Celui qui a du turab avec le roubar et qui peut faire le tayammum avec ça, c'est mieux de prendre ça qu'une pierre, hein, ou que du marbre ou autre chose, hein, qui fait partie du sol mais qui ne possède pas de roubar, qui ne possède pas de poussière. Pourquoi? Parce que c'est cité dans le hadith وَجُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا. Et sa turba, sa terre a été faite donc pour moi un élément de purification. Et aussi tu sors du khilaf, tu sors de la divergence, car certains jurisconsultes donc n'authentifie pas le tayammum qui a été fait avec un élément ne possédant pas de roubar, de poussière, qui n'est pas donc turab, de la terre. Mais Allah alam, nous on a dit que c'est permis avec autre chose que at-turab. Mais si jamais j'ai at-turab, de la terre, c'est mieux d'utiliser at-turab. Donc ça c'était la quatrième condition. Il dit ensuite rahmatullah alayhi wa yubtilu tayammuma ma yubtilu taharat al-ma. Et ce qui annule donc les ablutions avec l'eau annulent aussi le tayammum. Donc tout ce qui annule, tout ce qui annule les ablutions, tout ce qui est hadith, akbar et asrar annule le tayammum. Donc tout ce qu'on avait vu comme hadith akbar, iltiqa'ul khitanayn, le contact des deux sexes, la sortie de mani pour l'homme, pour la femme, la sortie de madhi, ça c'est un petit hadith, la sortie de gaz, la sortie d'urine, la sortie des deux voies, quelle qu'elle soit, pure ou impure, la sortie de d'une autre voie que les deux voies de quelque chose d'impur. Quelque chose pur, on avait dit que ça annulait pas. De quelque chose d'impur, ça annule pas non plus, afwan. C'est que le baul wal ra'it, l'urine et les excréments qui annulent d'une autre voie que les deux voies. Mais même l'impur d'une autre voie que les deux voies n'annule pas, on avait dit cela. Ainsi que le pur, ça n'annule pas. Donc tout ce qui est petit hadith et grand hadith annule le tayammum. Il y a ijma' là-dessus, il y a consensus. Ce consensus-là a été rapporté par de nombreux savants, notamment Ibn Rushd dans Bidayat Mujtahid wa Nihayat Muqtasid. Ça a été aussi rapporté dans l'Insaf, aussi Ibn Hazm, rahmatullah alayh, dans le Muhalla. Et d'autres savants ont rapporté ce consensus-là. Il dit, wa yubtilu tayammum ma yubtilu taharat al-ma, et annule, donc le tayammum, ce qui annule la purification avec l'eau, wa khurujul waqt, et la sortie de l'heure. Et la sortie de l'heure. Donc quelqu'un qui fait son tayammum pour salat al-dhuhr. Donc selon le madhhab, il doit faire après l'entrée du dhuhr son tayammum pour pouvoir faire le dhuhr. Nous on a dit, même avant c'est accepté, inshallah. Celui qui veut sortir de la divergence et faire après l'entrée de l'heure, c'est mieux. Comme ça il est en sécurité. Mais celui qui fait avant l'entrée de l'heure, c'est permis et accepté, inshallah. Dans le madhhab, lorsque c'est la fin donc de la période du dhuhr, ton tayammum est annulé. Ton tayammum est annulé. Et ça c'est comme donc le fait de conditionner l'entrée de l'heure pour pouvoir faire le tayammum. Allah a'alam, il n'y a pas de dalil. Et aussi c'est des qawa'id, donc des règles fondées sur la compréhension de la rukhsa et le fait que c'est une darura. Et comme c'est une nécessité, la nécessité elle est permise donc dans le minima auquel on lui fait recours. Donc tu as besoin toi de te rendre permis la prière pour cette période-là, qui est la période du dhuhr, et pas pour plus. Donc, arrivé à la fin de la période, ton tayammum s'annule. Et si après tu veux faire l'asr, tu dois refaire un autre tayammum. Allah a'alam, le tayammum n'est pas annulé par la sortie de l'heure. Allah a'alam, il n'y a pas de réel dalil, de dalil fort, notamment en termes de texte. Allah a'alam, ça reste des qawa'id, des règles établies par les fuqaha. Il dit, wal qudratu ala isti'mal al-ma, et la capacité d'utiliser l'eau. Donc lorsque la personne soit retrouve de l'eau parce qu'elle était dans un ajz haqiqi, elle n'avait pas d'eau présente physiquement autour d'elle, et qu'elle a trouvé de l'eau, son tayammum s'annule tout de suite. Tout de suite son tayammum s'annule. Donc la personne qui est blessée par exemple et qui n'a pas d'eau, bon, il lui est permis de faire le tayammum pour les deux raisons, parce qu'il n'a pas d'eau physiquement, mais parce que aussi notionnellement, même s'il avait de l'eau, il n'en ferait pas. S'il retrouve l'eau, est-ce que son tayammum est annulé? Non, parce qu'il ne peut pas lui faire ses ablutions à la base. Donc là, on parle de celui qui n'avait pas d'eau et qui pouvait faire ses ablutions et qui désormais retrouve de l'eau, son tayammum est annulé. Et quelle est la preuve que lorsque l'individu retrouve de l'eau, son tayammum est annulé? C'est le hadith suivant, an Abi Dharr radiyallahu anhu قال ijtawaytu al-madinata fa amara li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi iblin fa kuntu fiha fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qult halaka Abu Dharr qala ma haluk qala kuntu ata'arradu lil janabati wa laysa bi qurbi ma fa qala إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد وأبو داود. Donc Abu Dharr radiyallahu anhu dit, ijtawaytu al-Madina, donc je suis tombé malade, je n'ai pas supporté Médine, comme le hadith des Uraniyin. Et le prophète alayhi salatu wa salam a fait pareil, il a ordonné à Abu Dharr donc de prendre des chameaux et de sortir. Donc Abu Dharr, il était avec ces chameaux-là. Il a dit, je suis venu auprès du prophète alayhi salatu wa salam. J'ai dit, halaka Abu Dharr, Abu Dharr est perdu. Qala ma haluk, il a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Quelle est ta situation? Il a dit, kuntu ata'arradu lil janaba. Il a dit donc, je me mettais en situation de janaba. Wa laysa bi qurbi ma, et je n'avais pas d'eau avec moi. Donc il n'avait pas d'eau. Et il se mettait en état de janaba. Faqal, inna as-sa'id tahur, le prophète alayhi salatu wa salam a dit as-sa'id tahur liman lam yajid al-ma, et la purification de celui qui ne trouve pas d'eau 10 ans. Tu n'as pas d'eau, tu fais le tayammum. Il dit فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ, et c'est ça le shahid, le témoin de ce que l'on dit, que lorsque tu retrouves l'eau, ton tayammum s'annule. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, et s'il trouve donc de l'eau, qu'il craigne Allah, فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ, et qu'il fasse toucher donc sa peau, donc c'est-à-dire qu'il fasse ses ablutions ou bien son roussel, qu'il touche avec cette eau-là sa peau, فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ, ceci est un bien pour lui, ou bien ceci est meilleur, rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Il dit donc, وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ, l'imam ibn Qudama, وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ, même s'il est en prière. Même s'il est en prière. Donc là, il y a détail. Si jamais la personne, donc, retrouve de l'eau, alors qu'il a fait sa prière avec Tayammum, après la sortie de l'heure de cette prière qu'il a fait avec Tayammum. Donc il fait le dhuhr avec Tayammum. L'heure du dhuhr, donc, sort et terminé, et le asr est entré. Il retrouve de l'eau. Ici, il ne refait pas sa prière selon le consensus. Il y a ijma' là-dessus. Il ne refait pas sa prière. Si jamais il fait sa prière avec tayammum, avant la sortie de l'heure, il retrouve de l'eau. Il ne refait pas sa prière. Il n'y a pas consensus, mais c'est la vie le plus authentique et c'est la sunna. Donc, lorsque le hadith est présent, la divergence est tranchée, elle est terminée. Donc certains disent tu l'as refait de manière recommandée, ça aussi ça demande une preuve de manière recommandée. Certains disent tu l'as refait de manière obligatoire, d'autres disent tu ne la refais pas et c'est la vie qui est authentique. Wallah a'lam, en raison du hadith suivant que l'on va citer inshallah. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an. Kharaja rajulan fi safar. Donc Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, deux hommes sont sortis en voyage. فحضرت الصلاة, c'était l'heure de la prière. وليس معهما ماء, et ils n'avaient pas avec eux de l'eau. فتيمما, ils ont tous les deux fait le tayammum صعيدا طيبا, avec donc un صعيد pur. فصليا, et ils ont tous les deux fait la prière. ثم وجد الماء في الوقت, puis ils ont trouvé tous les deux de l'eau donc dans l'heure de la prière. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة, l'un d'entre eux a refait l'eau et la prière. وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرِ, et l'autre n'a pas refait sa salate. L'autre n'a pas refait donc sa prière. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, puis ils sont arrivés tous deux au prophète عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَّمْ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, et ils lui ont raconté ce qui s'était passé. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ, il a dit donc le prophète عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَّمْ à celui qui n'a pas refait sa prière, أَصَبْتَ السُنَّةِ, tu as donc atteint la sunna, tu as fait la sunna. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, et ta prière donc te suffit, elle est authentique. وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ, et il a dit à celui qui a donc fait ses ablutions et a refait sa prière, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ, tu as la récompense deux fois, tu as la récompense deux fois. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud. Tu as la récompense deux fois, ça c'est parce qu'il a fait un ijtihad alors qu'il n'y avait pas le texte. Maintenant celui qui fait ça, il n'a pas la récompense deux fois, il n'a pas de récompense parce que maintenant il a le dalil. Donc le khilaf était acceptable avant que le prophète alayhi salatu wasalam ne tranche la divergence par ce hadith là. Et si jamais il trouve donc de l'eau pendant qu'il est en prière, pendant qu'il est en prière, donc l'eau était coupée par exemple chez lui, il y avait un robinet qui était encore ouvert et donc l'eau ne coulait pas parce qu'elle était coupée. Et pendant la prière, donc il fait le tayammum, il commence sa prière à la première raka, à la deuxième, troisième, quatrième, bref, même jusqu'avant le salam, l'eau se met à couler, il entend l'eau. À ce moment-là, il sort de sa prière car son tayammum est annulé. Donc il sort sans salam parce que la salat, elle est automatiquement annulée car la purification n'est pas présente. Car le tayammum est annulé. Et donc, il est obligé de faire ses ablutions et refaire sa prière. Selon le Madhab Hanbali, c'est l'avis que l'on garde, Inch'Allah. Et de même, si quelqu'un lui apporte de l'eau, hein, quelqu'un lui apporte de l'eau, lui pose devant lui, il lui dit, tiens, fais tes ablutions, je t'apporte de l'eau. Bien, l'eau était coupée. De manière générale, et l'eau réapparaît, par quelque moyen que ce soit, il doit donc refaire sa prière, refaire ses ablutions, et ensuite refaire sa prière. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.